Le propriétaire de Métro Plus d'Olbeau-Mistassini-Saint-Félicien, M. Danny Boutin et toute son équipe, vous souhaite de joyeuses fêtes et vous rappelle que pour vos différents parties des fêtes, une équipe de professionnels sera là pour bien vous conseiller. Surveillez bien nos circulaires pour alléger votre budget du temps des fêtes. M. Danny Boutin vous invite à visiter sa page Facebook ou notre site Internet au metrodb.ca pour les différentes promotions. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparay, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Comment? Le personnel et la direction de la société sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-80. On va parler avec notre ami Phil Desgrains, s'il vous plaît. Je parlais avec Stéphane Lebeau cette semaine, puis déjà Stéphane, c'est un voyage déterminant pour le Canadien. Pas de doute là-dessus, hein. C'est, hier, c'était une victoire prenable, puis là, ils ont réussi. Ben, écoutez, je pense que le Canadien va jouer un peu toute la saison, un peu comme ils le font, là. Maintenir une série de 4-5 victoires collées, j'ai des doutes, mais maintenir quand même une moyenne de 500 comme ils le font actuellement depuis quelques semaines. Je pense que c'est exactement dans les plans du Canadien. L'arrivée de Shea Weber a vraiment revalorisé au niveau de la défensive. Je regardais son temps de glace hier, 24 minutes 59 secondes. Jeff Petrie joue le meilleur hockey depuis qu'il est avec le Canadien. Il joue très, très bien également. À ce moment-là, j'ai vu un Mété hier qui s'est retrouvé. Je pense qu'elle est passée quelques parties dans la ligue américaine, lui a redonné une dose de confiance. Il est arrivé de Canadien, puis il joue comme il jouait un peu l'an passé, sans craindre d'être relayé de l'alignement, sans être coupé, parce que il y a un certain avantage et un désavantage d'avoir un surplus de joueurs. C'est que ça met de la pression sur certains, ça fait les mieux performer. À d'autres, ça les affecte énormément. Donc, à ce moment-là, dans le cas de Mété, probablement qu'à un certain moment, ça l'a affecté. Mais là, il est revenu avec une attitude, semble-t-il, différente. Il est confiant, il joue très, très bien, il se préoccupe pas s'il va faire des erreurs. C'est normal, c'est un joueur de 20 ans. Mais moi, je pense que le Canadien joue cette balle-là. Mais le Canadien joue aussi bien que leur gardien Carey Price. Ouais, c'est clair. Carey Price, hier dans le match, puis dans les dernières rencontres, Carey Price fait 3-4 arrêtés dès le début du match. Même au Colorado, le soir, j'avais regardé le match, il a été impressionnant en première période. Si le Canadien avait été un peu opportuniste, il aurait pu se sauver avec la victoire. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Mais hier soir, c'est une équipe moins bien nantie que le Colorado. Mais le Canadien a tenu le coup, puis ils ont réussi à remporter la victoire. Mais Price doit être à son summum à chaque fois pour permettre à son équipe de gagner. Charles Hudon, finis-tu l'année à Montréal? Ben, écoute, moi, je pense que oui. OK. D'abord, il n'y a pas de valeur sur le marché. Ouais. Deux, je pense qu'avec le Canadien de Montréal, le Canadien ne peut pas se permettre non plus de dire qu'on le met au balotage. Il y a sûrement une équipe qui pourrait, à ce moment-là, se montrer intéressant. Mais je pense qu'il faut absolument être patient avec Hudon. C'est un gars qui a pris un certain temps avant de s'ajuster à la Ligue américaine. C'est un gars qui prend un peu plus de temps au niveau de la Ligue nationale. Mais dans le cas d'Hudon, s'il ne joue pas ses trois premiers trios, je me dis, il n'y a pas beaucoup de place pour lui et le Canadien. C'est pas un gars qui peut jouer défensivement, permettre à l'autre équipe d'aller les frapper, déranger le premier trio. C'est pas ce genre de joueur-là. C'est un joueur qui doit créer, être créatif en attaque et marquer des buts. Les occasions sont là, mais il ne marque pas de buts. Malheureusement, ben, il est là pour produire de l'attaque chez le Canadien. S'il ne produit pas d'attaque, moi, je pense que Hudon va avoir de la difficulté à s'implanter dans la Ligue nationale. Mais s'il veut performer un peu en attaque, je pense qu'il y a des chances de réussir. Mais encore là, il va falloir qu'un jour ou l'autre, ça produise. Sinon, malheureusement, ça peut être difficile pour lui de s'établir dans la Ligue nationale de hockey. Phil, je voyais sur Twitter que c'est Jérémy Filosa qui a retweeté ça, que les Coyotes de l'Arizona, ça vient de l'Arizona, d'un média de l'Arizona qui mentionne qu'on est sur le point de changer de propriétaire. C'est, exact. C'est pas pour rien, d'après moi, que Houston est dans le centre. Houston revient dans le décor. Puis que l'autre a été transféré dans la centrale. Écoute, dans l'Arizona, là, ça fait des années qu'on parle de vendre une équipe-là, d'essayer de choses. Et on voit très bien que, malheureusement, écoute, le Canadien de Montréal, actuellement, remplit un peu partout où il va. Mm. Hier, là-bas, il y avait la moitié de l'assistance, là. Puis de la moitié, il y en avait le quart qui prenait le Canadien de Montréal. Mm. Ça veut dire que, malheureusement, ben, c'est pas des tu sais, ils ont pas ça dans leurs veines, ils ont pas ça dans leurs gènes, le hockey. Ils sont très, très loin de ça. Tu sais, t'es en Californie, mais il y a du hockey en Californie depuis une tonne d'années. Ouais. C'est pas pareil. Là, en Arizona, là, on est dans le désert. Tu veux parler de golf, tu peux parler de football, tu peux parler d'autres sports, mais le hockey, c'est loin de leurs préoccupations. Moi, j'ai des doutes. Alors qu'à Houston, il y a eu du hockey pendant des années. Il y a des clubs de la Ligue américaine qui ont été là, Ligue internationale, des choses comme ça. Dallas, c'est pas tellement loin. Probablement, c'est une des plus villes les plus riches aux États-Unis là, qui fonctionne très, très bien. Là. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il y a des sièges sociaux. C'est un peu ce qu'on recherche. Là. Mm. Des endroits où l'argent est là, les sièges sociaux sont là, les billets de saison se vendent bien. À Vegas, c'est billets de saison qui se vendent bien, c'est les loges corporatives, c'est toutes ces choses-là. Donc, ça produit, puis tant mieux pour eux autres. Là. Ouais, ça aurait pris une grande vedette. Hein. Mais Auston Matthews en Arizona, puis je suis convaincu qu'il y a des bonnes chances que ça marche. Mais encore là, tu sais, Danny, même si tu as des grandes vedettes... Il est de l'Arizona, écoute, lui. Je regarde à Miami. Ouais. On avait au baseball des deux, trois joueurs ultra, des grandes vedettes, on tirait pas de monde. Ouais. Quand même, là, tu sais, je veux dire, parce que c'est les Latins, puis ils ont moins ça dans le sang que les Américains au niveau du baseball. Alors que tu t'en vas à New York, c'est pas la même chose, t'as une religion de baseball. Tu vas à Boston, c'est une religion. Tu vas à Saint-Louis, tu vas à Chicago, c'est dans l'Eugène, ça. Le hockey est implanté dans ces villes-là également depuis une éternité. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu arrives avec un nouveau sport, c'est pas mal plus difficile à générer des assistances. Puis moi, je pense qu'en Arizona, c'est un peu le problème actuellement. Phil, je vais faire une pause, puis je vais te demander un petit sondage que j'ai fait sur les médias sociaux cette semaine, puis je vais avoir ton opinion sur les entraîneurs québécois et ainsi de suite. Vous êtes à l'écoute de notre Phil Degagné sur les ondes de DonnerRazoSport.com. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service, où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Ici Luc Simard, préfet élu de la MRC de Maria-Chapdelaine. Le temps des fêtes est un moment privilégié où nous pouvons prendre le temps de célébrer avec nos proches. Profitez de cette période pour vous amuser, prendre un peu de recul et refaire vos forces. Pour 2019, le conseil de la MRC de Maria-Chapdelaine et son personnel vous souhaitent leurs meilleurs vœux de santé et de bonheur et que la prochaine année vous permette de réaliser vos rêves les plus ambitieux. Joyeux Noël et bonne année! Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 Boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaite de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivité. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. À l'occasion du temps des fêtes, je souhaite vous offrir, en mon nom et en celui des membres du conseil municipal, des vœux de bonheur. Que cette période soit pour vous et vos proches un moment de réjouissance et de ressourcement. À toutes les Dolmissoises et tous les Dolmissois, un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2019. Ici Éric Tremblay de Haletin. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haletech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Samedi 22 décembre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des excavations à savoir de la Haute-Côte-Nord au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi, go! On est de retour à DonnerRazoSport.com. C'est toujours une activité qui est le fun à faire, Phil. C'est sûr que c'est toujours relatif. C'est pas les mêmes patins, c'est pas les mêmes glaces, c'est pas les mêmes équipements, mais on va le faire pareil, l'équipement. On va le faire pareil. J'ai demandé cette semaine aux gens qui me suivent sur les médias sociaux, les attaquants, les meilleurs défenseurs québécois, le meilleur entraîneur québécois de tous les temps. On va commencer par les gardiens de but. C'est Patrick. Pour toi, c'est qui? C'est Patrick? Moi, j'irais avec Brodeur. Brodeur avant Patrick? Ah oui, moi, personnellement, Brodeur, là, qui a une carrière avec une équipe qu'il n'y avait pas devant lui. N'oubliez pas que Patrick a joué dans des bonnes années avec des bonnes équipes. Quand il a gagné, il y avait des duos de défenseurs tout à fait exceptionnels avec lui. Mais marquez bien que Brodeur a performé à New York avec les Devils quand il y avait une bonne équipe également. Mais moi, Brodeur, c'est la régularité pendant des années de temps qu'il a été là. Je dis pas que Roy mériterait pas ce titre-là également, c'est pas vrai. Mais moi, Brodeur m'a toujours impressionné par son calme, par son attitude, la façon également qu'il a gagné la Coupe Stanley. Patrick l'a gagné également avec une bonne équipe là-bas. Mais moi, personnellement, si j'avais à choisir, au niveau de la régularité, je choisirais Martin Brodeur comme gardien numéro un. Défenseur, Raymond Bourque? Ben, c'est difficile de passer à côté de Bourque avec la carrière qu'il a connue. Tu sais, je veux dire, quoi que Serge Savard a connu une carrière tout à fait exceptionnelle, Guy Lapointe. Moi, je pense que Lapointe a joué dans l'ombre Pierre un Pilote peu. Pierre Pilote aussi, semble-t-il, que c'était tout comme Pierre défenseur. Pilote. Écoutez, Pierre Pilote, là, il a gagné quoi? 4 ou 5 Norris? Ouais. Comme le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Dans le temps, il y avait 6 clubs, là. N'oubliez pas, au temps de la renommée, c'est difficile de passer à côté d'un gars comme Pierre Pilote aussi. Ouais. Parce que on en parle moins, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu jouer. Mm. Il jouait des années 60, 70. À ce moment-là, c'est sûr que la télévision était moins présente. Chicago était une équipe qui était un peu plus loin. On voyait le Canadien, mais on voyait très peu. T'sais, mais honnêtement, Bourque, c'est parce que dans le cas de Bourque, on l'a vu régulièrement. Mm. On l'a vu à Québec, on l'a vu à Montréal. La télévision était plus présente également. Les Blues avaient une bonne équipe. Il a gagné enfin, pour le dire, avec le Colorado. Mais moi, je pense que choisir entre Pilote, puis c'est parce que le hockey était différent. Doug Harvey, même Doug Harvey, un Québécois. Doug Harvey, c'est un défenseur tout à fait exceptionnel également. Mais moi, personnellement, tu sais, je veux dire, difficile de passer à côté de Raymond Bourque. Ouais. Mais Pierre Pilote, moi, je l'ai vu jouer, Pierre Pilote, là. Ouais. Mais je veux dire, je ne l'ai pas vu jouer autant que j'ai vu Raymond Bourque. Donc, faire une analyse complète, sauf que quand on regarde les statistiques, au niveau du meilleur défenseur de la Ligue nationale, Pierre Pilote était dominant. Ça, il n'y a aucun doute. Denis Potvin, était-tu un Québécois ou un Ontarien? Il y en a plusieurs qui sont assignés. C'était-tu un Québécois ou un Franco-Ontarien, Denis Potvin? Moi, je pense que c'est un Québécois, mais il a joué en Ontario, dans le junior, si je ne me trompe pas. Mais, écoute... C'est pas beau. Peut-être que c'est un Franco-Ontarien. Là. Je ne peux pas te dire. Là, honnêtement, là, tu me poses une question qui m'embête. Là. Attaquant, Mario Lemieux? Ah, il n'y a pas de doute. Lemieux est un joueur... Moi, j'ai eu le plaisir d'être sur la même glace que lui quand j'ai arbitré junior majeur. Mario Lemieux est un joueur exceptionnel. Il a brûlé le junior. Il a brûlé la Ligue nationale de hockey. Ce que les gens retiennent de Mario Lemieux souvent, c'est qu'il n'était pas très, très, très volubile, pas très, très collaborateur avec les médias. C'est un peu ça. Sauf que je regarde un peu Pittsburgh. Écoutez, Pittsburgh ont gagné. Pourquoi? Parce que Mario était là. Après ça, il est devenu un des dirigeants de l'équipe. Moi, Mario Lemieux, au niveau du junior, ben, on se rappelle plus du nombre de buts qu'il a marqué tellement qu'il était dominant. Mais moi, personnellement, je pense que c'est difficile de passer à côté d'un Mario Lemieux ça, au Québec, il n'y a pas de doute. OK. Entraîneur. Jacques Lemaire. Il y a eu des bons. Oui, Pat Burns. Ouais. Pat Burns a été l'entraîneur qui a marqué une belle carrière. Michel Bergeron a connu également une très belle carrière. Orval Tessier. Il a déjà gagné le trophée comme le meilleur entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Écoute, il y a des entraîneurs qui ont passé. Moi, personnellement, ce que j'avais à choisir, c'est sûr, c'est Pat Burns. Burns a gagné et en plus, remarquez, Alain Vigneault aussi a fait la même chose. Regardez Alain Vigneault. Ouais. C'est des gars qui ont fait plusieurs clubs dans la Ligue nationale. Ils n'ont pas fait que le Canadien de Montréal. Et partout où il a passé, Burns a connu du succès. Pas j'avais eu la série de 25 ans d'histoire de RDS. Où on parle de Pat Burns, il y a une émission d'une heure là-dessus. C'est un bijou d'émission. Ouais. Il rappelle des souvenirs incroyables, par où il a passé pour arriver là. T'sais, il est parti policier, lui-là, là. Les Olympiques de Gatineau, Sherbrooke, Ligue nationale, Toronto, New Jersey, t'sais, Boston. T'sais, c'est vraiment une carrière tout à fait exceptionnelle. Là. Il est allé au temple de la renommée. Moi, personnellement, c'est dur de passer à côté de Pat Burns. Moi, mon choix, c'est Jacques Demers, parce que c'est sentimental. Jacques, écoute, c'est un gars qui a eu beaucoup de difficultés dans la vie, que tu veux. C'est un bon choix aussi. Écoute, le nombre de parties avec le Canadien, c'est parce que Demers est resté près des médias, est resté dans la popularité, il est resté dans toute l'histoire avec lui, est parti de chez Coca-Cola, livreur de liqueurs, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. C'est pas lire, il savait pas lire. Ouais, c'est sûr. Non, moi, personnellement, Demers, il a causé une brillante carrière et tout. Mais si je regarde le succès remporté, moi, je pense qu'on doit aller avec Pat Burns. OK. Phil, un gros merci. Joyeux Noël. On se parle la semaine prochaine pour la revue de l'année. Merci. Voilà le commentaire de Phil Gagné.